Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venue l'heure du Memento. Good morning. Ma grippe vous va très bien, m'a dit mon amant ce soir. Ça vous donne un joli teint, ça vous va mieux que le noir. Ma grippe vous va très bien. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Un épisode un peu spécial puisque je suis en train d'enregistrer cette voix tout seul dans mon salon. Vous l'aurez deviné, c'est le premier Memento spécial confinement. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'on s'est mis à plusieurs pour vous préparer une playlist qui vous évitera de devenir fou en enregistrant chacun de chez soi, bien sûr. Vous allez sûrement reconnaître des voix puisque ce sont des stars, des Memento All Stars, vous pourrez aller écouter ça sur Spotify. Les premiers que vous entendrez seront donc Corentin, Asma, Kevin et Tim. Le Memento Don't Go Crazy Baby, c'est tout de suite sur Radio Panique. Toc toc toc! Qui est là? C'est Mémé! Mémé qui? Memento! Ce morceau vient du film Un jour sans fin avec Bill Murray, un de mes films préférés, un grand classique des films de Noël. C'est la musique qu'entend Bill Murray tous les matins au réveil. Prisonnier d'une sorte de boucle temporelle, le personnage est un peu con et doit changer pour que sa vie reprenne son cours. Voilà, nos journées se suivent et se ressemblent et il va falloir qu'on devienne moins con pour que ça s'arrête et j'ai trouvé ça hyper approprié. They say our love won't pay the rent. Before it's earned, our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. I got you to walk with me. I got you to talk with me. I got you to kiss goodnight. I got you to hold me tight. I got you, I won't let go. I got you to love me so. I got. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Pour le suivant, j'ai choisi ce petit son du moment dans ma playlist du matin. Pour ne pas devenir fou, j'ai décidé de ressortir ma corde à sauter et je sautille telle une vieille biquette dans ma cour sur ce tempo plutôt cool. Thank you. got this attitude. Panique, vous êtes le seul auditeur. Nous comptons sur vous. Ce son, je l'ai découvert ce matin même grâce à la magie des algorithmes et des pubs ciblées d'Instagram. C'est Lyota Séoul, qui est un groupe allemand de trois gars qui m'ont l'air, ma foi, vraiment sympa. Et je trouve que leur façon de se décrire est assez marrante. Ils disent « Si My Bloody Valentine et R.E.M. ont eu un enfant, se sont séparés juste après sa naissance. » R.E.M. en ayant la garde complète et My Bloody Valentine ne les voyait que le week-end, on dirait que cet enfant, eh ben, c'est Lyota Séoul. Ils se décrivent eux-mêmes comme néo-grunge, donc franchement ça résonnait vraiment en moi. Et le titre Feel Blue, bah, il est sorti il n'y a pas très longtemps là, il y a une semaine je pense, on est le 23 mars aujourd'hui. Et bah, je pense qu'on se sent un peu tous blue en ce moment, même si on essaye de rythmer nos journées comme on peut, entre ceux qui font du télétravail, ceux qui n'en font pas, ceux qui sont obligés de travailler... ceux qui sont seuls, ceux qui sont entourés ou qui doivent s'occuper tout le temps de leurs enfants, enfin soit, il y a plein de configurations différentes. Mais voilà, ce petit son est assez sympa, très, très naïf, un peu comme quand on était jeunes. Donc encore une fois, j'espère que vous allez apprécier ce petit moment pour ne pas devenir fou. Et ça s'appelle Feel Blue de Lyota Séoul, un groupe venu d'Allemagne. Color. il faut penser printemps. Alors, ce morceau, qui s'appelle « Sunlight des Tropiques » et qui est une reprise, évidemment, de notre cher Gilbert Montagnier, c'est une chanson que j'ai découverte juste avant de partir en voyage, en faisant ma valise. Je suis tout de suite tombée sous le charme. C'est une reprise, en fait, de la chanson, mais qui est beaucoup plus douce, mélancolique et qui donne une toute autre dimension à ce morceau. Enfin, vous allez voir, c'est hyper différent. Et moi j'adore, je l'écoute vraiment en boucle et je vous invite en l'écoutant à faire comme moi je l'ai fait, j'ai fermé les yeux et je vous invite à vous imaginer où vous voulez au soleil, dans un parc, à la plage ou en train de flâner, dans la montagne, avec des amis ou seul ou avec votre amoureux ou amoureuse. Ça invite vraiment au voyage et un peu à la déconnexion et c'est une ambiance hyper bienveillante et je pense qu'en ce moment on en a vraiment besoin. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir cet artiste, Suna, S-U-N-A. Il fait vraiment des chouettes sons et il a pas mal de remixes sur sa chaîne YouTube aussi. Il a remixé par exemple Angus and Julia Stone et d'autres artistes que je ne connais pas. Voilà, donc... Encore une fois, une belle écoute. Vive sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. À l'heure d'été, c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans le cœur un bongo. J'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout haut, viens danser. Viens danser. On va tous ensemble se prendre la main et s'élever. Enfin, en respectant distance de 1 mètre de sécurité. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est 1 mètre, ben, c'est environ 2 bikes de jupe sur la largeur. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance. What the fuck is going on? La chanson que je vous propose, ma chanson un peu good vibes pour cette quarantaine, c'est Feel Like Summer de Childish Gambino. Alors pourquoi cette chanson? Parce que ben, il fait beau, il y a du soleil, les oiseaux chantent, profitons du temps, la vie est belle, profitons-en. Et, en plus, un morceau d'actualité, même s'il est sorti il y a quasiment 2 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, je pense, c'était en fin 2018 ou quelque chose comme ça. Il est sorti, Childish Gambino a sorti un album surprise cette semaine, ce dimanche, le dimanche 22 mars, et cette chanson se retrouve sur l'album surprise, nommé 3-15-20, que je recommande chaudement. Et c'est parti pour Feel Like Summer. Seven billion souls that move around the sun. Whoa. La prochaine chanson que je vous propose est une chanson de l'ancien compagnon de route de Tyler, the Creator. Donc une chanson de Doll Sweatshirt, chanson sortie il y a 5 ans et sortie de l'album du même nom. Le nom de cette chanson c'est I Don't Like Shit, I Don't Go Outside. Vous l'aurez compris, chanson dans le thème de la quarantaine et rester chez soi pour ne rien faire. Et surtout si ça peut aider à ne pas répondre ce satané virus, restez chez vous, stay safe et faites des bébés. Get your lady top, piff a hailer cough, rip the label off this. Pick the road that got twists, I'm holding my dick and playing cautious. I'ma show you how it's done right, nigga. Drop this when the sunlight gone, better run right home when the sky turn black. Screaming fuck 5-0 till my line go flat. In the ass gray beamer, what we calling at the pitch crew. Jackknife bitches to the couches in they living rooms. Ask who the best and I doubt that they picking you. Back like Heidi, style I finish you. Act like you don't know the name. Only time I ain't mean when the choke's is stanky. Listening to pre getting throat while I lane switch. Bitches bought a 3 licking coke off the panky. The poster child, you post to hate me bold and wild. You broke and angry, my nigga. Name getting bigger than the difference between us niggas is fake. I limit the features I give them. Sweat, shirt. Sweat, yep. You know you famous when the niggas that surround you switch. And if they hated in the past, the tits. And now they hound your dick, and you ain't asked for this. Now you surrounded with a gaggle of 100,000 kids. Who you can't get mad at when they want a pound and pick. Cause they the reason that the traffic on the browser quick. And they the reason that the paper in your trousers thick. I said sweat, shirt. You could tell the Reaper I'ma meet him when he sent for me. With a cleaver and a 30 and some twisted weed. I pick one and let the crimson lead, nigga. Get your lady cop if it ain't a comfort, the label off this. Pick the road that got you with some hole in my dick and play cautious. You say you like violins and your lifestyle depend on me. And I know it's nighttime when you get lonely. And tell all your little friends how that bitch stole me. And despite all of the facts that you got phony, you gon' tell them about the night that you exposed me. For the bastard I was, and how I probably smashed every bitch that I passed in the club. And the last couple months was the worst cause I smashed all the trust that I earned in the past couple months that we had as a couple. My absence of fuss was a problem that we ain't never really get to solve. We just smashed and we scuffle, try and keep it calm, but I snap at you. Yep. Now you taking all your property back. And it's obvious that apart from the fact that we fucking is bomb. And I hate when you home. And when I'm gone, I don't call cause you nag. Man, I brought you the shit. And I bought you some shit. What you offering here? Yeah. What the fuck you offering here? I shouldn't even. Fuck. S'il vous plaît. Memento. J'avoue que moi, personnellement, pendant ce confinement, ma façon de rester un peu calme en musique, c'est la musique ambiante. Je suis un énorme fan de musique ambiante et je pense forcément à des gens comme Brian Eno, Brian Eno, qui à la base est le mec de Roxy Music en partie, le claviériste. Et il a fait des albums ambiantes qui sont devenus mythiques, et je pense notamment à Music for Airport, que je vous recommande énormément, que j'aime beaucoup. Et j'avoue que j'aime énormément, aussi pour l'heure que ça puisse paraître, la musique ambiante japonaise des années 80. Ça a l'air très précis comme ça, mais en fait c'est que y a toute une vague de ce truc-là qui est revenu via YouTube ces dernières années grâce à la magie de l'algorithme. Et je pense notamment à Hiroshi Yoshimura, qui est un petit peu un des papas de l'ambiance japonaise. Et du coup, je vous propose, parce que c'est exactement ce que j'écoute en ce moment pour rester au calme, un groupe de hardcore de Baltimore. Donc voilà, un groupe qui s'appelle Turnstile, qui est un groupe de punk hardcore. Parce qu'en fait, mon autre façon de rester calme, c'est l'ambiance ou alors quelque chose qui vraiment te défonce la tête. Et du coup, j'écoute énormément, énormément de hardcore en ce moment. Et du coup, je vous propose Turnstile avec un morceau qui s'appelle Real Thing. C'est un groupe qui a vraiment la patate incroyable. Ils sont 5-6 sur scène et ils ont tous un look complètement absurde. T'as l'impression qu'il y a un mec qui est dans un groupe de hip-hop des années 90. T'as l'impression qu'il y a un gars qui vient d'un groupe de métal, mais qui porte une petite moustache et une petite casquette de skatos. Enfin, ils ont chacun un look complètement absurde qui n'a rien à voir avec le genre de musique qu'ils font. Et ils ont une patate de ouf. Et voilà, donc du coup, je vous propose Turnstile avec Real Thing. Et moi, je trouve ça excellent. C'est vraiment du hardcore comme je les aime. L'autre morceau que je vous propose maintenant, c'est... J'avoue que j'ai du mal à définir un petit peu ce genre musical. Je pense que ça fait partie des producteurs qui ont bouffé énormément de jazz, énormément de hip-hop, énormément de tout ce qu'ils pouvaient se mettre sous la main. Je pense qu'il y a beaucoup de breakbeat, ce genre de choses. Et c'est un morceau d'un artiste qui est indien à la base et qui est maintenant basé à New York, qui s'appelle Jitwam, J-I-T-W-A-M. Et en fait, il fait une musique qui est un peu malaisante et en même temps qui est super réconfortante. Et je l'ai découvert par hasard un soir dans un bar lors d'une soirée qui n'était pas forcément très fun. Et c'était un bar un peu glauque où c'était que des flamands sans âge qui étaient dans les parages, lumière hyper tamisée. Et on était en train de prendre un verre de vin au bar... soirée de rupture un peu quoi. Et il y a ce morceau que je ne sais pas prononcer qui s'appelle Something Touch One en un mot, qui m'a absolument retourné la tête ce soir là et je m'en rappellerai toute ma vie. Et voilà, c'est un morceau de Jitwam. Le clavier dessus est fait par Henry Wu, qui est en fait le blaze de Kamal Williams, qui est le mec de Youssef Kamal, donc un jazzman que j'adore vraiment, qui est un gars qui vraiment a été élevé, comme je disais, pour G-Twam, par le funk, par le hip-hop et par le jazz. Voilà, le genre de mec qui fait du jazz incroyable, mais qui est là avec sa doudoune sans manches Carhartt, sa casquette et ses lunettes de soleil. Donc voilà, je vous propose G-Twam avec Something Touch One, un morceau assez chelou et qui donne du calme de par le confort de son inconfort. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est sublime et c'est maintenant. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. On est déjà à la moitié de ce memento spécial survie au confinement. Bon, c'est printemps, les amis. Pour la suite, eh bien, vous allez découvrir les propositions de Nicolas, Maxime et Fanny. Mais avant ça, je voulais vous faire écouter deux morceaux. D'abord, Warhorse, The Black Box Revelation, en live, quand ils sont passés à la baie en 2019. J'ai eu la chance d'y être et d'assister à une version toute spéciale, à savoir une fin à répétition. Le public assure, les chœurs en gueulant à mort, le groupe s'arrête, juste jamais de jouer. C'est génial, je vous laisse en profiter, c'est War Horse de Black Box Revelation. Thank you. Yeah, I'm a war horse. I'm a war horse. Nothing will stop me. Petit bonus, l'Abbé est en train de sortir sur YouTube tous les lives enregistrés chez eux, accessibles gratuitement, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour. Sur le 105.4. Et vous écoutez Radio Panique. Le morceau qui suit, c'est un bon prétexte pour remercier tous les artistes qui créent de la musique, qui font des films, qui peignent et qui écrivent des livres, bref, qui racontent des histoires et qui nous permettent de vivre la période actuelle de façon bien plus inspirée et surtout bien plus agréable. Et pour le coup, dans le genre musique qui raconte une histoire, je suis tombé sur Bernard Lavillier et son histoire d'un billet de banque. Et moi, j'aime bien. J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action,

sa stupdose, prêt à mordre jusqu'au sang. Il utilise sa truffe rose pour aller gratter quelques sons et sa détale en sautillant toujours au bord de l'overdose. Comment bouffer du stup sans choper la mixomatose? Ça veut du hip hop psychotrope, il provoque des cloques qui claquent. Mec, j'ai la grosse grosse patate qui scie les pattes aux psychopathes. Les haters font yesh, sont louches comme des DRH. Mec, c'est haut, faut que tu me lâches, t'es qu'une pauvre cloche te clash. Piston rentre à la niche face aux ouf qui se postichent. Dans le crew, pas de caniche, pas de potiche, pas de triche. On est le flip flip crew, pas de Philippe Nicolique. Hardcore psychédélique, me demande pas ce que je fabrique, mec. Si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew. C'est pas de la soupe, je balance des bombes, je suis dans ma stup sous coupe. Ma zik et ma soupape, je découpe ce truc au coupe coupe. Ma clé card rock, te braque, file des claps, et fume tes clopes. Je suis le hip hop cyclope qui va te. Stupéflip, super top, ça tartine le slop. C'est la panique dans ton fut, pas de flop pour ma clé. Le son du crew te tient en laisse. Faire les oufs qui te bottent les fesses, que tu piges, y'a pas de caresse. Rascarca dans tes corneflex. Tout ça adonf, ça tue la teuf. Juste un son qui fout des baffes. Je suis king du bâtard, toujours ok pour niquer tes baffes. C'est du lourd, c'est de l'or. Ce qu'il y a dans mon disque dur, je fais des disques d'art qui seront si disques d'or. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupéflip crew. Devait se tenir à Paris du 20 au 22 mars, le salon du survivalisme est annulé pour cause de coronavirus. J'ai envie de dire, pas besoin de blagues. Moi j'ai choisi O Amadou, de Amadou et Mariam, parce que durant cette période, on va dire particulière, je trouve que cette chanson elle me fout la pêche, puis en plus elle relativise pas mal la situation. Bah, sans doute parce que de mon côté j'ai de la chance et que je suis pas frappé de plein fouet par la maladie, mais voilà, elle me fout juste une grosse banane et une grosse pêche, c'est sans doute aidé par la voix de Bertrand Cantat, qui a vraiment plein d'énergie dans cette chanson. Alors juste avant, je vais vous mettre un petit extrait de film, une petite mise en situation de moi qui vais retrouver le plaisir, le bonheur d'aller m'empiffrer chez des amis ou aller manger un bon plat au restaurant. Puis juste après, on retrouve Amadou et Mariam pour ce titre O Amadou. Radio Panique. J'ai une queue de dragon au cul ? Non ! Alors retour assiette ! Bon, on va tout reprendre depuis la case départ, hein ? Tu vas me faire péter le menu spécial Nuit Blanche. Je veux de la viande comme s'il en pleuvait, avec de la purée qui déborde et une petite rigole pour que la sauce s'écoule. T'as compris? Et tu préviens le chef que Bernard Frédéric a l'intention de camper ici. D'accord? Je suis Claude-François toute ma vie. J'aurais aucun mal à faire Carlos une nuit. Hein. Mais je te préviens, bonhomme. Hein. Si je suis malade, je suis malade ici, chez toi. T'as compris? Plus d'infos sur notre radio, radiopanique.org. Oh, Madoué, tu n'as pas le choix. Oh, Madoué. C'est plus fort que toi. Y a des jours de bonheur, y a des jours de malheur, y a des moments de plaisir, des moments qui font souffrir. Oh Mario, tu n'as pas le choix. Oh, Madou, tu n'as pas le choix. crever, on va tous crever. Y'a la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever. Mais des fois c'est mieux de parler d'autre chose. Et alors là j'ai choisi une chanson qui est plutôt juste pour se faire kiffer. C'est Pop Pop Pop de Gambi. C'est un jeune rappeur que je viens de découvrir, je connaissais pas trop. Et finalement je vois quand même que sur Spotify il fait des 60 millions de vues donc, et 60 millions d'écoutes. Du coup à mon avis il est pas si nouveau que ça. Mais ouais, là j'ai découvert Pop Pop Pop et je kiffe trop. Je suis sur ma douche et c'est vraiment le moment en plus de kiffer, de danser chez soi et de profiter à fond. Du coup vraiment un petit Pop Pop Pop de Gambi, c'est le parfait moment. Un petit fume, un grand lâche, ça veut rien dire, les petits veulent du respect. Tu fais chaud, tu restes pas à gâte, la boca, j'ai ralasse l'avocat. J'ai cramé l'enveloppe, maintenant j'ai plus Wahda. Alicante, Acapulco, je suis défoncé, je mets les couettes de Puka. Puka, Puka, danse le Mapuka. Il me faut des bonbons, je dois passer chez le Pat-4. Alors, Apu, comment va l'ami? Mets-moi un mélange, garde le reste et l'ami. Il sert les craquettes de la chapelle, je réponds pas quand les meufs m'appellent. Y'avait pas un, j'avais la dalle. Tu dis que tu vends, mais tu la vends juste pour fumer. Et qu'un client allait n'achat va défoncer. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté. J'suis dans le bloc, bloc dit le caché dans le front, front. On bosse au black, black, on fait des sous dans le bac, bac. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Y'a de la drogue à Acapulco, c'est de la bonne jaune fraîche comme du pulco. Vu la qualité, j'en mets un poquito. On n'arrange personne, même si t'es le poteau. Dans la couette, j'fais du tam tam, j'tire ses couettes. J'm'invite à ta fête, vas-y j'débarque, j'arrive tout de suite. J'ai pas de go, et ma go a pas de gars. Si t'es plein, on pas gaffe, et c'est pas grave. Si t'as pas nous, on donne, t'as besoin de téléphone. Depuis que j'ai 60k, les gratteurs veulent des pubs. Ils ouvrent leur cul, me demandent sans scrupule. Mais moi j'ai rien vu, j'ai rien vu. Tu dis que tu vends, mais tu la vends juste pour fumer. Et qu'un client allait n'achat va défoncer. À nous tu mens, mais moi je t'ai remonté. J'suis dans le bloc, bloc dit le caché dans le front, front. On bosse au black, black, on fait des sous dans le bac. C'est pour prouver qu'on peut prendre de l'antibiotique dans le barouche. Bien sûr. Il y a trop de personnes qui disent, oh, on prend de l'antibiotique avec de l'eau. Et dans le vin blanc. Et depuis que t'en as pris, c'est toujours avec du vin rouge. Ben voilà. Et t'es mort. Vous toussez toujours comme ça? Pour ma chanson, moi j'ai une petite anecdote. Je travaillais comme vidéaste et monteur pour le site News Monkey. Et ils m'envoyaient faire le tour des festivals pour tourner des vidéos et les monter. Et là on était au Puckle Pop. Et il était plus ou moins, je sais pas, je dirais 3-4 heures du matin. Et j'avais fini de monter ma vidéo, j'allais rentrer, je retournais vers le camping. Quand au loin j'entends la chanson qu'on va s'écouter juste après, Hey Jude des Beatles. Et je me suis dit, bon, je vais terminer ma soirée, je vais aller vite écouter ce qui se passe là-bas. Et puis j'arrive là-bas, et les gars, franchement, c'était incroyable. Genre, grosse ambiance, tout le monde qui reprend Hey Jude, la la la la, la la la la, Hey Jude. Et vraiment incroyable. Et même le DJ, il était trop content, il faisait des petits signes de vénération vers la foule, etc. Et à un moment, c'est fini, quoi. Il est 5h du matin, les gens doivent repartir au camping. Et je sais pas par quel moyen, mais il y a un festivalier qui a genre un tambourin et continue à taper. Et toute la foule reprend les Hey Jude des Beatles. Donc juste trop bien. Et les gardes n'arrivaient pas à mettre les festivaliers dehors tellement les gens étaient à fond dans la chanson et continuaient à chanter, voulaient rester. Je sais pas. Et donc moi je trouve que cette chanson-là, elle a vraiment le truc de rassembler les gens, de pouvoir chanter tous ensemble. Je trouve qu'elle est magnifique. Et si j'avais genre une vision un peu d'apocalypse et de fin du monde et qu'on verrait genre au loin la terre exploser et le monde entier se donner la main et monter au ciel, avec Hey Jude des Beatles, ça ferait vraiment une scène incroyable. Donc pour moi, la plus belle des chansons et celle qui restera et la dernière des chansons, c'est Hey Jude des Beatles. Voilà, vraiment une petite pépite. Et ici, on va se l'écouter en live à Hyde Park. Et juste entendre toute la foule reprendre cette chanson, c'est juste, ça file les frissons et c'est ce dont on a vraiment besoin en ce moment. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her into your skin, then you begin to make it better. So anytime you feel the pain, they do refrain. Don't carry the world upon your shoulders. Okay. Okay, now just the men, just the fellas, come on, boy. Oh yeah, one more time, boys, come on. Okay, now just the women. Come on, girls. Yeah, I'd love to hear it one more. Enfin à la maison. J'ai eu le temps de faire quelques stocks. Et j'ai bien suivi les consignes du président. J'ai retiré mes enfants de l'école. Bon problème, je viens de me rappeler que je n'ai pas d'enfants. Hein, donc si quelqu'un cherche le petit Théo, 5 ans et demi, un mignon comme un cœur, haut comme trois pommes, eh ben je sais où il est. Par contre, n'approchez pas de chez moi. J'ai un fusil, je tire à vue. Jetez un sac de riz et du papier toilette par-dessus la clôture. Et je vous dirai où il est enterré. Allez, prenez soin de vous. Radio Panique rassure l'auditeur. Ah, on me glisse dans l'oreillette que notre cher Bastien, basé au Canada, vient de nous envoyer son morceau. Avec le décalage horaire, il était un petit peu en retard. La flemme de changer tout mon montage, je vous le mets ici. Voilà un memento bien particulier que vous nous avez concocté, mes amis. Des intervenants du monde entier, excusez mon belcocentrisme, rassemblés pour raconter leur confinement en musique et en mots. Une grande communion d'esprits plus éclairés les uns que les autres pour adoucir cette époque chelou et faire oublier la terrasse du Belga, en ce moment même caresser les derniers rayons du soir. Ces pompes à vedettes chatoyantes, prêtes à inonder de mousse des lèvres avides de leur douceur et de clopes grattées à ce pote que tu viens de rencontrer et à qui tu promets de lui racheter un paquet, mais que là, t'es justement fauché, tu comprends? Eh merde, ça me reprend. Mais oui, mais sans rire, il nous reste quoi à part rêver quand même les premiers jours de printemps se passent au Vélux? Comme dit d'ailleurs un proverbe ancestral, printemps confiné, suicide en été. Et je parle même pas encore de l'annulation de Dour et de Werther qu'on annonce à l'instant. Corne de bouc, il est fort votre café, Willy, hein? Willy, vous êtes viking. Et à ce titre, vous violez, vous pillez, vous écartelez des prêtres et vous tabassez les boucs avec une batte. Bravo, Willy. C'est vrai que vous buvez du plomb en fusion, hein? Et que vous êtes sans merci, vous les vikings, hein? Si on me dit s'il vous plaît, je dis oui. Ah oui, il nous reste les fake news, c'est vrai. Mais alors que la déprime pointe son nez dans la demeure du chrétien moyen, vous avez pris le taureau par les cornes et invité vos potes à partager les sons de leur isolement. Ni une ni deux, j'ai zioté mon Spotify et le constat était assez simple, bien que difficilement avouable. Ma playlist qui boucle en télétravail s'appelle Vibra Tropical. psychanalyste du dimanche, passez votre chemin et ajoutez plutôt ça dans votre feed. C'est lu printemps dans la casa, à défaut de pouvoir le respirer autre part que sur ton balcon. Venu l'heure de choisir un titre, pas facile. Ça zouque bien et je faillis vous demander de faire une émission spéciale Vibra Topical Tequila Sunrise, je sais pas quoi, pour nous vacciner contre le Corona Sum. Mais puisqu'il faut choisir, je vais proposer Respirasao de Leyline, un groupe texan qui se la joue latino avec brio. Bah oui, moi qui suis confiné ici dans un appart montréalais, entouré de la pape des neiges tardives du week-end dernier, je regarde encore un peu ce bazar de loin avec l'insouciance crasse qui me perdra dès que j'apprendrai que j'ai un malade dans mes proches, que c'était pas un exercice. Alors je me permets encore de me réjouir de voir que tout autour du monde, des millions de gens... des millions des millions, hein, vous êtes charmante, mais... Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Armina? Pas du tout, mais en fait, c'est même des milliards de gens ont arrêté de rouler, de voler, de bosser, de consommer presque, et que, entre toutes les nouvelles franchement pas cool du moment, on apprend que la Terre respire enfin un peu. Partout autour du globe, l'air se nettoie, les rivières s'éclaircissent, et les gens respirent. La Terre et les gens respirent. Après 70 ans d'apnée ininterrompue, la planète respire un grand coup d'air pur et reprend son souffle. Elle fait bien, car dès que le virus aura lâché les baskets du Nord, on lui remettra l'oreiller sur la bouche, et il y a fort à parier que cette fois, ce sera pour de bon. On aura ta peau. Bisous les loulous. Um dia de sol, eu fui pra trabalhar. Eu pensei em tudo que eu fiz nessa vida, tudo que eu tenho pra andar. Ou sentada numa cadeira dentro de mim, eu corri a mente, mente bem. Menina, vamos embora e senti. Chez vous, le soleil se couche et c'est le moment de préparer un joli cocktail pour votre apéro Skype avec les copains. Et qui mieux qu'Elvis Presley pour vous accompagner, le tout sur des sonorités hawaïennes. Hawaiian sunset, peeping from the sea, smiles and says aloha to his sweetheart Hawaii. The drowsy islands slumber one by one, close their sleepy eyes, say goodnight to the sun. Then Hawaii, like millions of times before, blossoms in her lover's arms once more. Too soon the sunrise will wake her from her sleep. So until tomorrow, sleep, Hawaii, sleep. So until tomorrow, sleep, Hawaii, sleep. Ce choix-là, c'est vraiment plus pour le matin. Là, on est encore dans le brouillard, mais faut se réveiller, faut se booster, parce que tous les jours vont se ressembler. On s'étire, on s'échauffe, et c'est parti pour une session de sport rythmée sur Maniac. La journée peut enfin commencer. C'est l'heure de conclure cet épisode. On trouve chez Memento que ces dernières semaines font un peu de tort au scénario de cinéma. Un scénario catastrophe où on s'ennuie chez soi devant la télé avec interdiction d'aller voir mamie. Je suis sûr que personne n'y avait pensé. Évidemment, on pense aux soignants qui donnent déjà beaucoup d'ordinaire et qui vont devoir affronter une masse de travail énorme. Pour ceux qui veulent aider sans sortir de chez eux, il existe plein de chouettes initiatives. Vous pouvez faire un don à l'hôpital Saint-Pierre qui a besoin d'argent pour acheter des respirateurs. Il y a aussi Lilo, une association qui aide les sans-abri, que cette situation rend encore plus dépourvue que d'habitude. Voilà, plein de choses à faire. Bref, Memento saison 5, épisode 6, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve en podcast et surtout, on revient très vite avec d'autres épisodes. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, continuez à écouter de la musique et de la radio bien au calme chez vous. À bientôt.